Alors, en espagnol, nous avons déjà vu qu'il existe deux verbes être, estar et ser. Et il existe aussi deux verbes avoir. Jusqu'à présent, nous avons utilisé tener pour traduire avoir. Mais je vous ai dit que j'allais vous montrer comment plonger dans le passé avec n'importe quel verbe. Et pour cela, on va avoir besoin de l'autre verbe avoir. Je vous ai dit qu'on plonge dans le passé avec ado et ido. Et pour plonger, on a besoin d'un plongeoir. Le plongeoir, c'est cet autre verbe avoir, qui va nous servir à plonger dans le passé, c'est-à-dire à former le passé composé. Donc, pour plonger dans le passé, on n'emploie pas tener, mais haber. Hein? H-A-B-E-R. Haber. Et je vais vous expliquer comment savoir ces formes avec je, tu, il, etc. C'est facile. Pour ça, je voudrais revenir aux terminaisons du futur. Pour former le futur, on partait de l'infinitif. Donc, avec je, on ajoutait la terminaison et à la forme de l'infinitif. Et avec nous, on ajoutait hemos. Hemos. Et avec il, elle ou usted. Et avec il ou elle au pluriel, ainsi que ustedes. An. Et avec tu. As. D'accord. Donc, maintenant, il vous suffit d'ajouter un H devant chacune de ces terminaisons du futur et vous obtenez les formes de haber au présent. Alors, nous commençons par la forme avec je. Haber à la première personne du singulier. Ça donne, on ajoute un H devant la terminaison du futur. Et? Et avec nous? Hemos. Hemos. Et avec il, elle ou usted? A. A. Hein? H, A. Et avec il ou elle au pluriel, ainsi que ustedes? An. Et avec tu? As. As. H-A-S. Donc, à toutes les autres personnes, exactement comme vous venez de le faire, il suffit d'ajouter un H à la terminaison du futur, et, hemos, a, etc. Et ça vous donne avoir, haber, et, hemos, a, etc. Le plongeoir qui permet de plonger dans le passé. Ce qui n'est pas un hasard, parce que, à l'origine, au début de la langue espagnole, pour dire « je verrai »,« veré », on disait « he de ver »,« j'ai de voir », c'est-à-dire « je dois voir », qui est devenu par la suite « ver » et « ver », V-E-R-E-H-E, « voir j'ai », et de là « veré ». Il s'est passé la même chose avec les autres personnes. Par exemple, il verra, se disait, a de ber, puis ber a, pour devenir enfin bera. Et nous verrons, se disait, hemos de ber, puis ber hemos, et enfin veremos. C'est ainsi que les deux verbes ont fusionné pour n'en former qu'un seul. Alors, les formes de avoir, haber, sont et, as, a, hemos et an. Et donc, si vous voulez dire j'ai acheté quelque chose, ça sera he comprado. Oui, he comprado quelque chose. Algo. He comprado algo. Nous avons acheté quelque chose. Hemos comprado algo? Hemos comprado algo. Et si vous voulez dire nous l'avons acheté? Lo compra. Nous avons. Lo hemos comprado? Oui, c'est comme pour le passé composé en français. Pour plonger dans le passé, il vous faut d'abord le plongeoir, le verbe avoir. Ici, hemos. Donc, lo hemos comprado. Et il l'a acheté. Lo a... D'accord. Comprado. Lo ha comprado. Il l'a acheté. Et il ne l'a pas acheté. No lo ha comprado. C'est ça. No lo ha comprado. Où l'avez-vous acheté? Vous posez la question à usted. Mm-hmm. Donde lo ha comprado? Bien. Hein? Donde lo ha comprado? Où l'avez-vous acheté? Donc là, on a comprado. On plonge dans le passé avec ado dans le cas des verbes en ar, comme comprar. Pour les verbes en er et ir, on plonge dans le passé avec ido. Ido. Manger se dit comer. Donc, j'ai mangé, ça sera... Et comigo? Comido? C'est ça, hein? Et comido. Donc, on plonge dans le passé avec ado et ido, qui sont les terminaisons du participe passé. Il y a quelques exceptions, hein? Quelques plongeons un peu particuliers, notamment avec les verbes gogo. Enfin, seulement certains d'entre eux, comme « hacer » et « decir ».« Hacer » donne « hecho », qui s'écrit « H-E-C-H-O ».« Hecho », ça c'est le participe passé de « hacer ». Alors, si vous voulez dire « je l'ai fait », ça sera « lo he hecho ».« Lo he hecho ». Lo he hecho. Nous l'avons fait? Lo hemos hecho? Lo hemos hecho. Et maintenant, parlons de l'autre verbe, celui qui allait de pair avec hacer. Decir. Mm-hmm. Decir. Decir, bien sûr, decir. Donc, on a hecho pour hacer et dicho pour decir. Dicho. D-I-C-H-O. CH se prononce CH, hein, en espagnol, comme on l'avait vu avec noche. Donc, dicho, D-I-C-H-O, dicho. Donc, il ne m'a pas dit pourquoi il l'a fait. Comment dites-vous ça? No me ha dicho. C'est ça. No me ha dicho. Pourquoi il l'a fait? Porque ha hecho. Il l'a fait. Lo ha hecho. C'est ça. No me ha dicho porque lo ha hecho. Donc, on a dicho et hecho. Vous, hein, usted, vous ne m'avez pas dit pourquoi. No me ha dicho por qué. No me ha dicho por qué. Et je vous ai dit pourquoi. Les. Mm-hmm, les. Et j'ai c'est. Et dicho por qué. Bien. Les he dicho. Hein? Les he dicho por qué. Je vous ai dit pourquoi.